écris des critiques et des articles dithyrambiques dans Magazique. Un dossier sur Strychnine, pas sur Springsteen comme les Irox, cette bande de geeks. Je veux partir dans la jungle d'asphalte, écrire un jingle télévisé. Je dis poli mago, mago poliment mégoté à mes soirées. Squatter au baron, écouterai Lolita Pile. Je veux la moustache de Patrick Delin. Ray-Ban fuite à l'encuir, Santiago Bicouze et mes bouquins en librairie. Je veux chapeauter les nasses, et puis les brasses, et puis les places d'ici aussi. Et puis j'ai mis le signe et tout autant de lignes. Je veux la moustache de Patrick Delin. Et plutôt Paris, Paris en premier. Par contre, je veux pas ressembler à Manœuvre, parce que je suis un intello, moi. Allez Vincent, mets la sauce. Je veux la moustache de Patrick Delis. La moustache de Patrick Delis. La moustache, la moustache de Patrick Delis. La moustache de Patrick Delis. La moustache, la moustache de Patrick Delis. La moustache de Patrick Delis. Et favori de Pagani.